Voici, à une demi-heure environ, un petit aperçu des principaux poètes du XVIe siècle, d'après la version donnée dans la collection de la gare des Michards.